Chapitre 25. L'ordre de restituer le dépôt. Allah Ta'ala dit: Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Sourate 4, verset 58. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter la charge de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Sourate 33, verset 72. 199. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: L'hypocrite se reconnaît à trois choses. Quand il parle, il ment. Quand il prend un engagement, il ne l'honore pas. Et quand on lui confie une chose, il trahit. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, même s'il jeûne, accomplit la salat et prétend qu'il est musulman. 200. Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, rapporte: Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a annoncé deux choses dont j'ai vu l'une d'elles se produire et dont j'attends que la deuxième se réalise. Il a dit que le respect du dépôt, amana, c'est-à-dire la loyauté, fut enraciné dans le cœur des hommes, puis le Coran fut révélé. Les gens en tirèrent des enseignements ainsi que de la sunna. Ensuite, il nous annonça que le respect du dépôt serait retiré du cœur des hommes en expliquant « Alors que l'homme dormira, le respect du dépôt lui sera retiré du cœur, n'y laissant qu'une faible trace. Puis il dormira et le respect du dépôt lui sera à nouveau retiré du cœur, y laissant une trace équivalente à une ampoule provoquée par une braise qui tombe sur le pied. La peau gonfle, mais l'ampoule est en fait vide. Il prit alors un caillou, le fit rouler sur son pied et ajouta « Puis les gens concluront des accords, mais on trouvera difficilement quelqu'un de loyal à tel point que l'on dira « Il y a dans telle famille un homme honnête. » On dira également « Quel caractère, quelle courtoisie, quel esprit !» alors qu'il n'y aura pas une trace de foi dans son cœur. Hudhayfa, radiyallahu anhu, ajouta « Il fut en effet un temps où je concluais des accords avec n'importe lequel d'entre vous sans me soucier. S'il était musulman, sa religion me mettait à l'abri de lui. Et s'il était chrétien ou juif, son chef me mettait à l'abri de lui. Mais aujourd'hui, je ne peux conclure des accords qu'avec certains d'entre vous. » Al-Bukhari et Muslim. 201. D'après Hudhayfa et Abu Huraira, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Allah, béni et exalté soit-il, rassemblera les gens le jour du jugement, puis les croyants se lèveront pour que le paradis leur soit rapproché. Ils iront alors trouver Adam et lui diront: « Ô Père, demande que les portes du paradis nous soient ouvertes. » Mais il répondra: « Seul le péché de votre père, Adam lui-même, vous en a fait sortir. Je ne suis pas l'homme qu'il vous faut. Allez plutôt voir mon fils Ibrahim, Abraham, l'ami intime d'Allah. » Ils se rendront alors auprès d'Abraham qui leur dira: « Je ne suis pas l'homme qu'il vous faut, car je n'étais pas si proche d'Allah que cela. Allez plutôt voir Moussa, Moïse, auquel Allah a vraiment parlé. » Ils iront donc voir Moïse qui leur dira: « Je ne suis pas l'homme qu'il vous faut. Allez plutôt trouver Jésus, le Verbe d'Allah et son esprit. » Issa, Jésus, leur dira: « Je ne suis pas l'homme qu'il vous faut. » Ils se rendront alors auprès de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui se lèvera et à qui autorisation sera donnée. Puis la loyauté, amana, et les liens de parenté seront amenés et se tiendront à droite et à gauche du sirat, pont enjambant l'enfer. Le prophète, alayhi salatu wassalam, poursuivit: Les premiers d'entre vous le traverseront à la vitesse de l'éclair. J'ai dit, c'est-à-dire Abu Huraira, toi pour qui je sacrifierai père et mère, que signifie à la vitesse de l'éclair? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répondit: Ne voyez-vous pas comment l'éclair va et vient en un clin d'œil? Puis il continua: Les suivants le traverseront à la vitesse du vent, puis à la vitesse de l'oiseau, et à la vitesse du plus rapide des hommes à la course, chacun selon leurs œuvres. Pendant ce temps, votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se tiendra debout sur le pont en disant: « Ô Seigneur, sauve-les, sauve-les !» Puis les œuvres devenues trop faibles des hommes ne leur permettront plus de traverser le pont aisément, si bien que l'un d'entre eux le traversera en rampant. De chaque côté du pont seront placés des crochets avec l'ordre de saisir ceux qui leur seront désignés. Certains seront alors lacérés, mais sauvés, tandis que d'autres seront violemment précipités et entassés les uns sur les autres en enfer. Abu Huraira ajouta, « Par celui qui tient l'âme d'Abu Huraira dans sa main, il faudrait 70 années pour atteindre les abîmes de l'enfer. » Muslim. 202. Abu Khoubaib, Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu anhuma, rapporte. Peu avant la bataille du chameau, Az-Zubayr, son père, m'appela. Je me rendis auprès de lui et il me dit, « Mon fils, quiconque est tué aujourd'hui sera soit injuste, soit victime d'une injustice. Et je me vois déjà mourir aujourd'hui, victime de leur injustice. Mon plus grand souci concerne mes dettes. Crois-tu qu'il nous restera quelque bien après le paiement de nos dettes ?» Puis il ajouta, « Mon fils, vends nos biens et paye ma dette. » Ensuite, Az-Zubayr ordonna que le tiers de son héritage soit légué, un tiers de ce legs devant revenir au fils de Abdullah ibn Zubayr, ses petits-fils. Il a dit, « S'il reste quelque chose de nos biens après le paiement de nos dettes, un tiers du legs sera partagé entre tes fils. » Hicham, l'un des narrateurs, ajouta, « Quelques-uns des fils de Abdullah, comme Khoubaib et Abbad, avaient le même âge que les fils d'Az-Zubayr, leur oncle. » Abdullah avait à cette époque 9 fils et 9 filles. Abdullah poursuivit. Il ne cessa de me faire des recommandations au sujet de ses dettes en disant « Mon fils, si tu éprouves une quelconque difficulté à honorer mes dettes, demande l'aide de mon maître. » Par Allah, ne comprenant pas ce qu'il entendait par là, je lui demandai « Père, qui est ton maître ?»« Allah, » répondit-il. « Par Allah, chaque fois que j'avais un souci au sujet d'une dette, j'implorais Allah. » « Ô maître d'Az-Zubayr, honore sa dette à sa place. » Et il l'honorait. Abdullah ajouta, « Az-Zubayr mourut en effet lors de la bataille. Il ne laissa pas d'argent, mais 2 terres, dont Al-Ra'aba, terre immense près de Médine, 11 maisons à Médine, 2 à Bassora, 1 à Koufa et 1 autre en Égypte. Il s'était endetté car lorsqu'un homme venait lui confier son argent, Az-Zubayr lui disait, « D'accord, mais à condition que cela soit un prêt et non un simple dépôt, car je crains de le perdre. » À aucun moment, l'administration d'une province ne lui fut confiée, ou la collecte des impôts, mais ses richesses provenaient du butin qu'il recevait de ses expéditions militaires avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar ou Othman, radiallahu anhum. Abdullah poursuivit. J'ai compté ses dettes qui s'élevaient à 2 200 000. Puis Hakim ibn Hizam rencontra Abdullah ibn Zubayr et lui demanda « Mon neveu, à combien s'élève la dette de mon frère ?» J'en cachai le vrai montant et lui dis « 100 000 ». Hakim dit « Par Allah, je ne pense pas que vos biens suffisent pour les couvrir. » Je lui répondis « Que dirais-tu si la dette s'élevait à 2 200 000 ?» Il répondit « Je ne pense pas que vous soyez capable d'honorer ces dettes. Si vous en êtes incapable, demandez-moi de vous aider. » Az-Zubayr, radiyallahu anhu, avait acheté Al-Ra'aba pour 170 000. Abdullah la vendit pour 1 600 000. Il interpella en effet les gens que celui à qui Az-Zubayr, radiyallahu anhu, devait de l'argent, accepte une partie d'Al-Ra'aba en remboursement. Abdullah ibn Ja'far, radiyallahu anhu, à qui Az-Zubayr devait 400 000, vint et lui dit « Si vous le voulez, j'annule cette dette. » « Non, » répondit Abdullah, radiyallahu anhu. « Si vous le voulez, vous pouvez en ajourner le remboursement, » insista Abdullah ibn Ja'far. « Non, » persista Abdullah. « Dans ce cas, donnez-moi une parcelle de cette terre, » conclut Abdullah ibn Ja'far. Abdullah lui en attribua une partie. Il vendit d'autres parcelles, remboursant ainsi les dettes de son père. Il en resta 4 parts et demie. Il se rendit ensuite chez Mu'awiyah, où se trouvaient Amr ibn Uthman, Al-Munzir ibn Zubayr et ibn Zam'a, radiallahu anhum. Mu'awiyah, radiallahu anhu, l'interrogea. À combien s'est vendu Al-Ra'aba ? 100 000 chaque parcelle, répondit-il. Combien reste-t-il de parts ? Demanda Mu'awiyah. 4 parts et demie, répondit-il. J'achète une part pour 100 000, dit Al-Munzir ibn Zubayr. J'achète moi aussi une part pour 100 000, déclara Amr ibn Uthman. J'achète également une part pour 100 000, affirma Ibn Zam'a. Combien en reste-t-il maintenant? Demanda Muawiya. Une part et demie, répondit Abdullah. Je la prends pour 150 000, dit Muawiya. Plus tard, Abdullah ibn Ja'far vendit sa part à Muawiya pour 600 000. Lorsque Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhu, eut remboursé toutes ses dettes, les fils d'Az-Zubayr, radiallahu anhu, demandèrent leur part de l'héritage. Il leur répondit « Par Allah, je ne le ferai qu'après avoir interpellé les gens au cours de 4 pèlerinages consécutifs en ces termes. Écoutez bien, que celui à qui Az-Zubayr doit quelque chose vienne pour que nous le remboursions. » Il le fit effectivement durant 4 pèlerinages, puis il répartit l'héritage entre les héritiers d'Az-Zubayr, radiallahu anhu, après en avoir légué le tiers. Az-Zubayr, radiallahu anhu, avait 4 femmes. Chacune d'elles reçut 1 200 000. L'ensemble des biens d'Az-Zubayr s'élevait donc à 50 200 000. Al-Bukhari.